Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Le photographe Jocelyn Paquette était en studio et il nous raconte ici la petite histoire des studios de photographie de la ville de Québec. Au début des années 90, moi et mon chroniqueur invité aujourd'hui avons eu la chance de commencer les deux à étudier un domaine qui nous a passionnés pendant belle lurette. Dans mon cas, ça l'a arrêté en 2005. Dans le sien, c'est encore valide aujourd'hui parce qu'il est encore le nez dedans, comme on dit. On parle ici, bien sûr, de Jocelyn Paquette qui va nous parler aujourd'hui de l'histoire de la photographie. Jocelyn, bonjour. Bonjour, M. Christophe. Comment ça va? Numéro 1. Yes. Donc, l'histoire de la photographie. Ben oui. T'es pas un gars qui a une bien grande mémoire parce que t'es obligé de te servir d'un manuscrit ou d'un volume pour nous raconter toute cette merveilleuse histoire-là. Écoute, moi, je suis surtout un passionné, comme tout le monde le sait, surtout au niveau de la photographie. C'est ma passion, c'est mon métier, c'est devenu mon métier. À travers tout ça, quand j'ai fait mon entreprise, bon, tout le monde le sait, on avait parlé dans la dernière chronique, je possède maintenant des millions de négatifs, j'ai acheté plusieurs studios de photographie et tout ça. Ça m'a permis de collaborer à des livres, de faire des également au niveau du cinéma, des collaborations, puis dans d'autres domaines. Mais à travers ça, moi, j'avais créé aussi des produits. J'avais, bon, écrit le livre « Québec, les images témoignent », on en a parlé. Mm-hmm. Mais on n'avait pas parlé, par contre, de mes cartes généalogiques. On n'a pas parlé de mes cartes régions. Et on n'a pas non plus parlé de la petite revue que j'avais faite, « Le brin d'histoire », qui, en fait, était une seule et unique revue qui, dans laquelle j'avais rassemblé des articles que j'avais faits pour d'autres revues, mm-hmm. principalement une revue qu'on avait à l'interne lorsque je travaillais chez Kodak Global Imaging. Et là, moi, j'avais écrit plein de choses sur la photographie, je partageais ma passion aux gens. Et comme tu viens de le dire, je vais me servir de mon travail de l'époque pour vous relater aujourd'hui l'histoire de la photographie. Pourquoi l'histoire de la photographie? Parce que, écoute, je vais te raconter juste, entre parenthèses, une petite anecdote qui me fait bien sourire à chaque fois, puis ça arrive régulièrement. Moi, bon, je ne veux pas nécessairement dire mon âge, 52 ans. Mais c'est normal, t'as plus de cheveux gris que moi, alors c'est normal, t'es plus vieux que moi. Ouais, mais on n'a pas réglé le problème de ça. Moi, je t'ai dit que j'avais 3 enfants. Ouais, OK, c'est sûr. Mais remarque que moi, j'en ai une à 4 pattes qui demande beaucoup d'attention. Ouais, OK. Écoute, je vais te dire, c'est que moi, à l'époque, j'avais fait une petite revue comme ça. Je m'intéressais à la photographie. Et j'ai rencontré par après des gens qui travaillaient avec moi, tu sais, qui me disaient « Ouais, sont bons tes articles, toute la patente. » C'est quoi un négatif? On est-tu déjà dans l'ère du numérique? Écoute, je te jure là qu'il y a des gens là qui ne connaissent pas, mais qui ne connaissent vraiment pas c'est quoi qu'un négatif. Donc aujourd'hui, c'est normal. C'est normal aujourd'hui. Oui. On ne voit pas le temps passer. Mais c'est pour ça que je te demandais la question tantôt. Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans l'ère numérique? Oui, parce que quand j'étais chez Kodak, on était déjà dans l'ère numérique depuis une bonne dizaine d'années. Et puis... J'espère que ce n'est pas un gars qui travaillait chez Kodak. C'est une fille, oui, qui travaillait effectivement chez Kodak. Là, j'aurais honte d'elle. Non, elle était jeune, tu sais, puis arrête, là, je l'ai assez insultée en plus, parce que elle, c'est une fille qui était au niveau de... En fait, elle ne travaillait pas, elle, pour le... elle était plus aux ressources humaines. OK. Puis je l'avais vraiment insultée, écoute, l'insultée vraiment, elle n'était pas fâchée, elle l'a pris avec un certain sourire, mais en coin. C'est qu'on s'est mis à parler d'horoscope chinoise. OK. Puis là, elle me dit, dans mon horoscope chinoise, je suis un singe. J'ai dit, là, tu viens de te trahir, ça veut dire que t'as l'âge de ma femme, t'es né en 68. Elle dit non, elle dit l'horoscope chinois, c'est aux 12 ans, elle dit je suis né en 1980. J'avais-tu l'air épais, tu penses? Oui, mais quand même, dans les années 90, le négatif existait. Non, mais moi, c'est le Kodak Global Imaging. Je te parle, là, on est dans les années 2000. OK. Oui, c'est ça. Non, mais tu veux dire, quand même, je reviens quand même à quelqu'un qui ne connaît pas un négatif, mais c'est parce que dans les années 90, le négatif existait encore. Là. Oui, mais par contre, c'est pas nécessairement tout le monde à l'époque qui s'intéressait à la photographie. Mm-hmm. Et Dieu sait que les personnes qui vont s'intéresser, qui vont découvrir la photographie par après, ben vont le découvrir grâce à leur cellulaire. C'est sûr. T'sais, donc, c'est comme je te dis, effectivement, aussi loin que ça, au début des années 2000, il y a déjà des personnes qui, dans leur tête, oui. Les négatifs, c'est quoi ça? Ça fait partie... Ah non, je m'en souviens. C'est la chose qu'on mettait dans un appareil photo là, puis qui faisait des photos. Là, mm-hmm. À peu près la même chose que moi, il arrive quand que je parle d'un bêta. Ah, puis que les gens me regardent puis disent « C'est quoi ça? » Oui, oui. Voilà. Alors, continuons avec le négatif. Bon. Non, mais c'était ma parenthèse, en oui. fait. Ça, c'était parce que, de toute façon, faites l'expérience vous-même. Là, ceux qui sont dans mes âges, tout ça, demandez des fois aux jeunes « Tu sais quoi, toi, un négatif photo ou une diapositive? » Fort probablement que le terme « diapositive » est encore connu parce que, bizarrement, lorsqu'on utilise les présentations, mm-hmm. les gens vont encore parler de diapositive. Quand on fait une présentation flash, tout ça, les gens parlent encore de diapositive okay. malgré tout, mais ils ne réfèrent pas nécessairement aux petites affaires que nous autres on avait qui mesuraient 2 pouces par 2 pouces, mm-hmm. puis ça faisait de belles photos, des beaux petits tableaux. Cela dit, que dirais-tu si on parlait de l'histoire de la photographie? Allons-y donc. Où ça? dans ta machine à voyager dans le temps. Ah, ce que j'aime ça. Pour retourner en arrière au tout début de la photo. OK. Alors, Christophe, je te pose déjà une question. Ça va pas bien. Et monsieur, d'après toi, ça date de quand la toute première photographie? Oh, mon Dieu. Appelle-moi Jocelyn. Oui, non, je sais. Mais je te dirais, pour le cinéma, je sais que les Frères Lumière sont responsables. Donc, la photographie ne devait pas être bien, bien longtemps avant ça. Fait que c'est quoi, 1700? Oh, là, t'es trop loin, par exemple. Mais, 1718? C'est 1822. OK. OK. Là, on parle de la toute première photographie. On parle d'une image qui est quand même assez floue, qui a été réalisée sur une plaque d'étain enduite de bitume de Judée. C'est quoi ça? C'est un liquide pour teinter. Puis c'était dissous, ça, dans de l'huile de nippel. Ça, c'était pour le lavage. Puis l'huile de nippel, en fait, c'est du pétrole blanc. Et la première photographie, en fait, c'était une nature morte qui présentait une table montée pour un repas avec des fruits, bon, puis des ustensiles, tout ça. Et là, on est très loin, là, justement, là, du numérique. Parce que juste pour l'exposition en plein jour, devine combien de temps il a fallu pour réaliser cette première image. On parle pas, une dizaine d'heures? Pas une dizaine d'heures, mais quand même, tu parles en termes d'heures, effectivement, entre 2 et 3 heures pour réaliser la toute première image. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'elle n'était pas nette, parce que, bon, l'appareil, elle, a sûrement subi les vibrations du sol ou encore a été un peu fouettée par le vent. Donc, ça a contribué, tout ça, à rendre un peu l'image floue, mais quand même d'une qualité artistique assez intéressante. Cette image-là, c'est, comme je te disais, c'est la première au monde. Elle a été attribuée à l'inventeur français qui se nomme Joseph Nicéphore Niépce. Mais attention, c'est pas parce qu'il a fait la première image qu'on lui donne et qu'on lui reconnaît la paternité de la photographie. C'est incroyable, ça, quand même. Et puis, il y a une raison. Parce que ce n'était pas un négatif? C'est pour pas, ça, c'est non? pas nécessairement parce que c'était pas un négatif, mais c'est surtout, tu vas le comprendre, en raison d'une relation. Parce que lui, c'est un inventeur, OK? C'est un gars qui est bourré de bonnes idées, il fait des études, il fait des recherches, il tente plusieurs choses pour arriver à ses fins. Mais là, il y a un grand malheur, lui, dans sa vie. Toutes ces recherches-là, toutes ces affaires-là, tu sais, ça, il prend de son temps, puis son temps, il ne prend pas pour gagner de l'argent. Mm. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il se ramasse avec une dette de plus de 1 800 000 francs. Là, il ne faut pas que tu me demandes c'est quoi que ça vaut à l'époque, 1 800 000 francs. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est ça. Ça me semble être une grosse somme parce que lui, il va être obligé de penser à vendre ses propriétés pour rembourser ses créanciers qui le harcèlent. Puis de toute façon, moi, là, tu m'en parlerais. De toute façon, comme tu dis, 1 million, là, quand on parle d'un million, c'est que ça commence à me faire peur, tout simplement. Donc, alors, ça ne lui donne pas la paternité de la photographie. Et pour ça, il doit s'associer à quelqu'un, à un homme d'affaires qui va croire en ses expériences, toute la patente. Il va rencontrer ce gars-là qui s'appelle Louis-Jacques Mandé-Daguerre. Et Louis-Jacques Mandé-Daguerre, c'est à lui qu'on reconnaît la paternité de la photographie. Ce monsieur-là, parce qu'il va profiter en fait de quelque chose d'assez spécial, c'est que Nicéphore Niépce va commencer à travailler avec lui en 1826 environ, mais Nicéphore Niépce, lui, va mourir entre-temps. Il va mourir, lui, à l'âge de je ne me souviens pas à quel âge, mais à 68 ans, en 1833. OK. Or, la photographie, te souviens-tu de la date de la naissance de la photographie? Non. 1839. Donc, 1839, Nicéphore Niépce est décédé, mais c'est Louis-Jacques Mandé-Daguerre qui a récupéré les travaux de Nicéphore Niépce et il se donne le droit de la paternité en photographie. Et d'ailleurs, le premier procédé va être connu sous le nom de daguerréotype. Le daguerréotype, ça, c'est comme un genre de plaque miroir. Puis, moyennement que tu l'inclines, tu vas passer du négatif au positif. Mais il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif de ça. Okay. Or, ça, c'est un Anglais, Fox Talbot, qui s'appelle. Lui, et d'ailleurs, à quelques semaines, justement, de l'invention reconnue de la photographie, là, qui donne la paternité à Daguerre, lui va inventer un procédé qui utilise un négatif sur papier salé. Ça ressemble un peu plus à la photographie que toi et moi, ancêtres, que nous sommes, avons connue, effectivement. Donc, mais... et puis ça, c'est Fox Talbot, justement, qui a créé ça. Et lui, il appelait son procédé le Talbotype. Puis c'est un procédé également qui a connu un autre nom, comme le Calotype. Ça, tu vas voir que dans les procédés, effectivement, il y a toutes sortes de noms pour parler d'un procédé qui est toujours le même finalement, mais c'est parce que dépendamment d'une région à l'autre ou n'importe quoi, puis tu vas comprendre très vite ce que je te dis, parce qu'on va se mettre à parler d'un autre procédé révolutionnaire qui, lui, va apparaître aux alentours de 1856. Ce procédé-là, c'est un procédé qu'on a la chance encore de voir passer à l'occasion. Le vrai nom, c'est la ferrotypie. Qu'est-ce que la ferrotypie? Bien là, c'est justement ce que nos grands-parents appelaient les photos de tôle, les photos de zinc. C'était mieux d'appeler ça de même parce que, en fait, la ferrotypie, c'est des plaques au collodion nickel. Ça, j'ai rarement vu des gens qui appellent ça comme ça. Mais okay. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est plus facile d'appeler ça un genre de photo de tôle. Ça, c'est un procédé. Ce procédé-là va peut-être un des procédés qui va rester quand même le plus longtemps. Parce que c'est un procédé bon marché. Je sais pas si tu viens, toi, le grand amateur de cinéma que tu es. J.A. Martin, photographe. Oui, ça, oui. C'est un film québécois. C'est un film québécois. Et ce film-là nous présente la vie d'un photographe ambulant. Et c'était ça à l'époque. Mm. Un photographe ambulant qui partait avec son équipement, sa calèche, tout ça. Qui ressemblait plus à un 4x5, si je ne me trompe pas. Bon, c'est des photos, en fait, c'était des... Non, mais je parle de l'appareil qu'il utilisait. Oui, l'appareil. L'appareil, c'est un appareil de différentes dimensions, en fait. Mais peu importe la dimension de l'appareil, ce qui est important, c'était le dos qu'on mettait derrière. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, c'était des dos qu'on insérait dans l'appareil, qu'on retirait, qu'on retournait de bord, on faisait une autre photo. Mm-hmm. Et là, il fallait que tu te charges plusieurs dos comme ça. Puis c'était pas des petits dos nécessairement. C'est, mm-hmm. C'était vraiment là, quelque chose de comme lourd. Comme je disais tantôt que ça ressemblait un peu au 4x5, c'est pas le format, mais je veux dire, comme, c'était comme un accordéon, l'appareil photo. Oui. Puis, bien avec le drosse à la tête. Le drosse à la tête, puis tu avais bien sûr. Le gros flash fait de poudre quasiment de canon. Là, <t'sais>. Mais tu sais, tantôt, c'est pour ça que je te disais les années 1700, parce que, tu sais, moi, je me rappelle, pour moi, dans ma tête, j'en reviens toujours au western. Où est-ce que tu avais les photos dans le Far West? Mais c'est pour ça que pour moi, dans ma tête, c'était dans les années 1700. Mais en réalité, non, c'est vrai parce que c'était plus dans les années 1800. Mais c'était ça aussi. Hein? Puis les gens, quand ils se faisaient prendre en photo, tu ne devais pas bouger pendant plusieurs minutes. Et voilà. Ben c'est ça. On se souvient là, que tantôt, j'ai parlé de la photographie de Nicéphore Niépce. Tu sais que pour ne pas bouger, c'était pas facile. Non. Les gens clignaient des yeux, bon, tout ça. Donc, il y avait quand même du travail, des fois peut-être de retouche. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y avait des outils qui étaient prévu pour ça. C'était quand même assez désagréable. Quand on allait pour faire une séance de portrait, on installait derrière la personne un genre de perche qui venait s'installer juste sous les oreilles de la personne. Puis on ne voyait pas, là, tu sais, ça passait mm-hmm. derrière son cou, tout ça. Puis là, ben après ça, il y avait deux petites tiges qui allaient s'installer en dessous des oreilles. On les fixait là pour que la personne puisse appuyer sa tête là-dessus pour ne pas bouger pendant à peu près la minute que la photo se prenait. Parce que là, c'est ça, on a évolué là, oui. depuis Nicéphore Niépce. Puis là, ça prend à peu près quelques secondes, entre 30 secondes et une minute, pour faire une bonne photo. Mais les gens vont cligner les yeux, mais le clignement de l'œil s'enregistre. Donc, ça veut dire que quand l'œil est ouvert, ben, on voit quand même l'œil. Et quand il se ferme, ben, on verrait la paupière. Mais vu que là, ça rouvre et ça ferme, donc ça reste transparent. Et on finit par voir quand même l'œil, tout simplement. Tout ça pour te dire qu'on parlait de la ferrotypie. Ça, c'est arrivé en 1856, oui, mais ça s'est étalé et on en a fait jusqu'en 1933 de ça. C'est pour ça qu'on en voit encore régulièrement. Ceux qui vous visitent des fois les marchés aux puces ou encore dans les vieilles boîtes de chaussures de vos grands-parents, vous allez peut-être retrouver ce genre de petites images-là qui ont été là quand même longtemps et qui étaient bon marché surtout. Parce que quand le photographe, justement, comme Gilles Martin s'annonçait, hey, là, on se réunissait mettons, à l'hôtel de la place, puis là, on allait faire des photos là. Pendant la soirée, lui, il développait ça, puis il redonnait les photos le lendemain aux gens, tout simplement, qui venaient chercher leur commande. Alors, c'est un procédé qui, oui, a été là longtemps. Est-ce que c'était un bon procédé? Pas nécessairement. Parce que vous remarquerez, si vous trouvez dans vos boîtes, justement, ce genre d'images-là, ils avaient tendance à noircir. Très, très noir, devenait très, très noir. Puis là, ben, il y a beaucoup de gens qui, justement, en raison de ça, et aussi peut-être parce qu'ils ne se souvenaient pas vraiment du nom des gens qui étaient sur les photos, ont préféré les jeter tout simplement. Mais c'est malheureux parce que maintenant, avec les outils qu'on a en informatique, on peut retravailler les contrastes, tout ça, et ramener les images. Moi, j'ai découvert ça là, mm-hmm. dans mon entreprise parce qu'au début, quand je suis devenu photographe, je me suis en allé un peu plus vers l'infographie. Puis, j'ai ramené beaucoup d'images comme ça. Ça a tout simplement alimenté cette passion-là que j'ai toujours, de toute façon, pour la photographie. Yes. Il y a un autre procédé, puis là, je vais peut-être en étonner plus d'un. Tu sais, les gens, aujourd'hui, on parle de 3D, tu sais, la télévision 3D, les cinémas 3D, tout ça. On a l'impression qu'on vient d'inventer quelque chose de grand. Non. Ben non, effectivement. Parce que la 3D apparaît en fait en 1841. Puis ça, on n'attribue pas ça là, à un seul inventeur. Okay? Ça, c'est plusieurs personnes qui travaillaient sur l'optique, qui travaillaient sur différents domaines, qui en sont arrivées à ça. Et ça va arriver avec un certain monsieur Henry Collin qui, lui, produit un calotype. Puis ça va devenir, en fait, le premier portrait stéréoscopique. Mais il n'y aura pas nécessairement cette paternité-là, comme je te dis, parce qu'il y a des études qui vont se faire par la suite. On peut parler de plusieurs personnes. Donc, on parlait là, justement que ça a été fait à partir d'un calotype. Donc, Henry Fox Talbot, lequel je te disais qu'il avait fait le premier négatif sur papier salé, fait partie de l'un de ceux qui ont contribué à ça. On va parler également de Oliver Wendell Holmes, de Charles Wheatstone, de Thomas Maloney, de David Brewster et de Louis-Jules Dubosc. Ça, c'est pour ne nommer qu'eux, parce qu'en réalité, il y en a encore quand même une certaine panoplie de gens qui ont contribué à cette invention-là. Et tout ça, mais ça a permis a créé quand même un engouement pour la photographie. On dit que la reine Victoria était la personne qui avait la plus grosse collection au monde de vues stéréoscopiques. J'espère que c'est encore là, Westminster. Il faudrait aller faire un tour, voir s'ils ont encore toutes ces images-là, parce que ça a l'air qu'elle en a ramassé pas mal. Ça l'a connu un très grand succès, je te dirais, jusque vers 1915. OK? Puis là, ça commence un peu à battre de l'aile pour ce qui est de la photographie en tant que produit de photographie 3D. Mais par contre, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Et ça, des fois, c'est aliéner quelque chose. On va dire, on aliène un objet, on aliène une invention, tout ça. Or, ce produit-là, qui était surtout relié pour la photographie, il y a une entreprise de jouets qui va se mettre à aimer ça. Puis là, qu'est-ce que tu penses qu'on va créer avec ça? Les Viewmaster. Oui. Tu sais, les petites rondelles. Ben oui. Fait que ça va relancer un peu cette invention-là. C'est magnifique, dans le fond. Moi, j'ai connu effectivement la photographie 3D avec les Viewmaster de Walt Disney. Ben oui, ben tous les films, t'avais tes Viewmaster, t'avais les comics aussi, t'avais des choses comme ça. Donc oui, je me rappelle de ça. J'en ai encore à la maison, d'ailleurs. Ben oui, moi aussi. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à se séparer. Non, pas du tout. Je suis obligé de les cacher à ma conjointe qui écoute justement peut-être l'émission. Non, écoute, c'est parce que des fois, les conjoints nous disent oh, « tu devrais te débarrasser de ces vieilles affaires-là, tu t'en sers plus, tout ça. » Et non. Voilà, il y a des petites choses qui sont très intéressantes pour nous. Yep. On va, vois-tu, le temps file et on va sauter tout de suite comme ça à peut-être un des grands noms de l'invention de la photographie. Et de qui penses-tu, veux-tu que je te parle? Kodak? Oui, mais Monsieur Kodak, c'est pas son nom. Son nom, c'est George Eastman. Oui. George Eastman, qui lui va justement contribuer lui aussi à la photographie, c'est en 1888. Qu'on parle, parce que lui va créer ce qu'on appelle la pellicule souple. Donc, ce qu'on a connu, nous, les pellicules souples. Il va inventer, lui, un genre de film, tu sais, que tu vas pouvoir prendre sans pause. Lui, c'est un... Bizarrement, de la façon que ça arrive, en fait, dans un genre d'appareil photo qui est un genre de petite boîte, un box qu'on appelait à l'époque. C'est chargé de ce film-là. Tu peux faire 100 pauses avec ça, puis c'est pas compliqué, hein, c'est juste un clic, là, t'as pas d'obturateur, tu joues pas, là, c'est programmé, mettons, F5.6 à 1/125e. Là, je parle en langage photo, je veux pas vous perdre, chers auditeurs, mais c'est juste pour dire que, dans le fond, on avait évité là, de se compliquer la vie, on faisait un clic, puis la photo était faite. C'était fait pour monsieur et madame tout le monde. Exactement, mais c'était, en fait, pour attirer cette clientèle-là, parce qu'à l'époque, ceux qui font de la photographie, ce sont des photographes. C'est quand même des photographes qui vont quand même dominer le marché jusque dans les années 50, au tournant des années 60. C'est tout ça qu'on appelait des appareils photo instantanés? Non. OK. Parce qu'il en existait encore, tu sais, des petits appareils que tu peux acheter, il y avait 24 poses dedans, mais tu ne pouvais pas sortir le film. Là. Il arrivait complet, tu amenais ton appareil photo au laboratoire, puis il développait tout. Bien, en fait, Kodak, c'est ça. C'est que lui, tu amenais ton box, une fois que tout était fini, puis tu redonnais un autre box. Fait que là, tu avais un autre film chargé, là, tu sais, dans un autre appareil, mais tu ne conservais pas ton appareil photo. Fait que mais ça a été un des grands changements. Parce que là, vois-tu, on vient d'en parler. Là, on amène un autre genre de clientèle dans le monde de la photographie. C'est plus seulement que les photographes. C'est maintenant monsieur et madame tout le monde qui vont faire des photographies. Fait que là, on va commencer à avoir vraiment des photos de famille. On va avoir des photos de la vie de tous les jours qui vont commencer à apparaître. Là, ça commence à devenir intéressant pour les historiens en photographie aussi. Parce qu'il faut dire, là, je fais une parenthèse là-dessus. Les photographes, c'était bon, là, tu sais. Mais sauf que eux, ils connaissaient leur art, puis ils travaillaient pour que ça soit beau pour vendre leurs images. Donc, je te donne un exemple. Ici, à Québec, il y avait un monsieur qui s'appelait Thaddée Lebel, au début du siècle, qui, lui, faisait des photos. On est dans les années 20, tout ça. Or, dans les années 20, qu'est-ce que tu... Tu sais, on n'a pas le choix. Si on fait des photos dans la rue, il y a des fils. Oui. Effectivement. Puis il y en avait beaucoup à l'époque parce qu'on avait des tramways à Québec aussi. Donc, lui, il effaçait pas ça. Mais un autre photographe, lui, enlevait ça de différentes manières. Premièrement, il surexposait déjà la prise de vue, ce qui faisait que si, mettons, les fils apparaissaient sur le ciel, bien là, ils s'estompaient parce qu'on avait surexposé un peu le... Là, on est en noir et blanc ou on a de la couleur? Oui, oui. Non, la couleur va plus apparaître dans les années 30, je te dirais. Les premières couleurs, mais on va plus perfectionner ça dans les années 40. Donc, pourquoi la facilité de surexposer son film en noir et blanc, c'est plus facile qu'en couleur? Carrément, parce que là, on travaille avec des sols d'argent et tout ça, donc c'est assez... On travaille avec le noir, le blanc, le gris. Et voilà. Puis, donc, ça, c'était ma petite parenthèse. Mmh. Donc, on disait que là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va faire de la photographie. Et ça va nous amener, finalement, à ce que nous, on a connu. Donc, on va utiliser ces films-là nous, on utilisait ça encore dans nos cours. C'est même début des années 90, c'est ça. En 92, 93. Puis, on peut-tu dire que ça a toffé jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000? Bien, on en trouve encore des pellicules. Hein. Tu sais, ouais. Je suis allé me promener à la pharmacie la semaine dernière et on en vend encore. Mais il doit en avoir encore parce que photo de la capitale, mais les pros de la photo existent encore. Crois. Oui, ça se peut. Moi, ça, vois-tu, ça, je ne peux pas te dire. Je ne suis pas vraiment ça. Mais parce que comme tout photographe, je suis rendu maintenant vraiment dans l'ère numérique. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup l'ère numérique pour la simple et bonne raison que lorsqu'on prend une photo, qu'est-ce qu'on voit? On peut aller voir dans les métadonnées. Et là, on sait le jour qu'on a pris la photo, quelle ouverture qu'on avait, tout ça. Ça, c'est toutes des choses qu'on prenait des notes là, en photographe averti. Et avant de... Par contre, parce que là, le temps file encore, tu m'as parlé tantôt de photographie instantanée. Mm-hmm. C'est en 1947 que ça va arriver. C'est Edwin H. Land, et lui, encore là, c'était pas un photographe, c'était pas quelqu'un qui travaillait sur la photographie, c'était un monsieur qui travaillait sur l'optique. Et il a amené ce procédé-là d'un appareil photo qui va te donner des photographies instantanées. Et son invention, comment on appelait ça? Le Polaroid. Yes! Voilà. Une bonne réponse. Je vais te donner un bon... un morceau bon de robot. Point, un bon morceau de robot, si tu veux, également. Donc, effectivement, c'est le même qui est né, le Polaroid. C'est suite au travail, justement, de cet inventeur-là. Et puis, finalement, ben là, dans les dernières années, on va avoir tout simplement le numérique qui va prendre sa place. On en avait déjà parlé. On avait dit que la guerre du Golfe avait un peu retardé ces recherches-là. Mais par contre, ça a donné comme un genre de creux au niveau des photographes. Qu'est-ce qu'on fait? On voyait plus l'avenir, tout ça. Mais quand même, la photographie numérique a connu un énorme succès. Là, maintenant, vraiment, tout le monde fait ça. James Bond serait jaloux de nous si... je parle de James Bond, Sean Connery, oui, tout ça. Comprends. Parce qu'avec le téléphone cellulaire, maintenant, tu peux écrire, tu peux texter, tu peux rejoindre des gens à l'autre bout du monde. Mais il serait pas jaloux seulement, il serait aussi fâché parce que là, son identité secrète serait dévoilée plus rapidement. Oui, c'est plus dur à cacher. Oui. Alors, je vais te faire une conclusion ici sur... parce qu'on parle de la photographie ici. Au Québec, c'est arrivé pas mal en 1851, les premiers photographes qui ont fait des choses justement dans des buts commerciaux pour faire, entre autres, des cartes cabinet, des cartes, des vues stéréoscopiques, des cartes de visite également. Et on a des grands noms qui ont fait de la photographie. On avait surtout ici à Québec deux artères. On avait quand même la rue Saint-Jean et la rue Saint-Joseph sur lesquelles allaient s'installer beaucoup les photographes. Donc, je vais te nommer quelques noms ici comme ça. Joseph Baudry de 1888 à 1934, Albert Dompierre de 1885 à 1917, un des grands noms de la photographie, dont d'ailleurs il y a un livre qui vient de se faire sur beaucoup de ses photographies par l'historien et photographe Pierre Laoud, qui lui vient de faire un livre sur les photos de William Bertrand Edwards, donc le studio Edwards. Imagine-toi donc que quand j'ai terminé moi mon cours, c'est la première place que je suis allé pour acheter des équipements photo puis tout ça. À l'époque par contre, on parlait pas des négatifs là, j'avais pas encore cette idée là, mais c'est là que j'ai été acheter des premiers appareils de collection. Il y a eu également George William Ellison qui lui était spécialisé dans la photographie stereo view, donc la vue stéréoscopique. Et puis, il avait été racheté, lui, par Louis Prudent Vallée, qui a récupéré ses négatifs et qui a continué à faire, lui aussi, de la vue stéréoscopique avec ses images. Et, un très grand nom ici, tout le monde de ma génération se souvient de Livernois. L'Hivernois, parce qu'a été popularisé beaucoup par les travaux de l'historien Michel Lessard. Beaucoup aussi parce que dans les premiers temps qu'on a commencé à sortir ces images anciennes-là, c'est souvent les images de l'Hivernois qui revenaient parce qu'ils étaient conservés aux Archives nationales du Québec à Québec. Donc, on pourrait nommer comme ça énormément de photographes, tout ça. Mais on va se garder une petite joint parce que quand même, ça ferait trop. Puis là, on finirait pas. Mais je t'amène déjà sur ma prochaine chronique. Okay. Qui va être, par contre, sur l'un de ces photographes-là dont j'ai envie de te parler, qui va être celui qui m'a permis de découvrir ma passion, mais mon entreprise. Okay. Parce que redonner un sens à mon entreprise. Et c'est le studio de Lionel Couture. En fait, on va parler de trois studios dans la prochaine chronique qui vont être le studio de Lionel Couture, le studio Geoffre Plamondon et celui de Jean-Paul Mercier. Pourquoi? Parce que ce sont trois photographes de la Rive-Sud. Donc, on va se donner rendez-vous à ce moment-là pour cette prochaine chronique. Alors, Jocelyn, oui. Merci beaucoup encore. Ça me fait plaisir. Puis on se dit à la prochaine. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines. Et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site Web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Mmh.